Vous avez un projet d'entreprise? Venez rencontrer les professionnels du Centre local de développement de Québec qui sauront vous accompagner dans les différentes étapes de votre projet. Visitez la porte d'entrée des entrepreneurs, le clddequebec.qc.ca. Mon oncle Serge est amour. Il aime le sexe, il aime la drogue, il aime le rock and roll et surtout, il aimerait que vous achetiez son nouvel album qui s'appelle Pourquoi mon oncle Serge joue-tu du rock and roll? C'est un disque entièrement acoustique avec de la guitare sèche et de la contrebasse mur à mur et des chansons sur le rock et la campagne, les groupes et les élections, Pierre-Carl Pelado, les punks français et je m'en passe. Pourquoi mon oncle Serge joue-tu du rock and roll est en vente partout où ce qu'on vend encore des disques. Et du rock and roll. Pour joindre votre animateur en onde, faites le studio à commercial ckrl.qc.ca ou composez le 640 1586 640 1586. Bonsoir et bienvenue à notre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Web Musique vous propose plein de bonne musique sur la scène Net Audio. Donc, c'est des artistes qui partagent leur musique de façon gratuite. Vous pouvez télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. C'est vraiment simple. Vous avez juste à vous rendre sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Vous allez avoir accès donc à la playlist de l'émission. Vous allez pouvoir donc télécharger, en savoir plus aussi à propos des artistes. Je mets des liens donc qui retournent sur leur site. En plus de ça aussi, il y a aussi les étiquettes, donc toute l'information qu'il vous faut est concentrée sur le site de Web Musique. Je vous invite fortement à le visiter. C'est une grosse partie de l'émission. Également, ben, il y a la balado-diffusion qui est disponible, puis en plus, différents liens donc en rapport avec la scène Net Audio. Tout ça, ça se retrouve sur le site de Web Musique. Sans plus attendre, on va débuter tout de suite avec un artiste allemand du nom de Nien Bed. Je vous fais entendre sa pièce Eyes Down. C'est sur l'étiquette Mahorka, un peu de dub expérimental, vous allez voir, vraiment intéressant. Ensuite de ça, une pièce de Sista Sara, encore un peu de dub. Je vous fais entendre la pièce Dubbing Distance. C'est publié sur la propre étiquette de Sista Sara. C'est Advaita Oneness Dub, donc une étiquette qu'elle a créée elle-même pour diffuser toute sa production musicale. Donc, ben c'est ça, on débute Web Musique avec Nien Bed, sa pièce Eyes Down. Thank you. Dead. Peu de dub planant, c'est toujours apprécié. Donc, c'était Sister Sarah avec sa pièce Dubbing Distance. Avant ça, on avait débuté Web Music avec une pièce de Nyan Bed, c'est sa pièce Eyes Down. C'était publié, ça, sur l'étiquette Maorca. On poursuit avec, cette fois-ci, un artiste espagnol du nom de Neve Ira. Je vais entendre sa pièce Distant. C'est donc featuring la Medusa. Vous allez voir une très belle voix. Ensuite de ça, sur Sirona Records, une étiquette française. Je vous fais entendre Canelos avec sa pièce Surreal Politics. Ça aussi également très bon. Donc, on écoute tout de suite Neve Ira à WebMusic. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre un artiste de la ville de Dublin en Irlande. C'était Canelos avec sa pièce Surreal Politics. C'était publié sur l'étiquette française Sirona Records. Avant ça, de l'Espagne, c'était Neve Ira avec sa pièce Distant. Neve Ira qui, la pièce featurait La Medusa, une artiste avec la voix vraiment somptueuse. On poursuit avec un artiste australien de la région des Blue Mountains dans les New South Wales. Donc, c'est Option Command. Je vous fais entendre sa pièce Recoil. C'est une pièce disponible sur son profil SoundCloud. Je vous invite à aller le visiter. Plein de bonne musique de Option Command qui a donc publié sur l'excellente étiquette aussi King Deluxe, l'étiquette canadienne de la Colombie-Britannique. King Deluxe, allez visiter, ça vaut vraiment la peine. Après Option Command, on va entendre un artiste de la ville Dresden en Allemagne, c'est Svan. Je vous fais entendre la pièce If You Don't Know. C'est un remix d'une pièce de GME. Donc on écoute tout de suite Option Command à Web Music. We'll be right back. it anymore. Now they see me doing it and they wanna do it, but you can see obviously I'm doing it. Frisco or Skep, you can't tell me shit, you know who I rep, old type Sanjay Lit, them man there from early, people that like good music know how to hunt it down, any stage show I'll bun it down, been doing this thing since 2003, so don't come here now, chatting shit like, oh my god JME, that grime stuff is so in right now, at our label yeah, with blood, shut him out, don't wanna talk, keep your bread and your knife and fork, don't waste time coming here chatting shit to me blood, we're like cheese and chalk, chalk and cheese, stop talking please. D'animateur pour l'émission Nouveau Cru les après-midi de semaine de 13h30 à 15h30. Informez-vous à programmation à commercialckrl.qc.ca ou téléphonez au 88 640 25 75 poste 210. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises. Les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. Lebaldulézard.com. Le Centre Espoir Charlebourg est au service de toutes les personnes touchées de près ou de loin par le cancer. Il vous offre en toute confidentialité et à votre rythme des rencontres individuelles, de couple ou de groupe, de l'écoute téléphonique et des visites d'accompagnement à domicile. Participez à notre campagne de financement pendant les mois d'avril et mai en appelant au 88 623 7783 ou par le site internet centreespoir.com. Un reçu pour fin d'impôt vous sera émis. La solidarité est importante pour vaincre le cancer. Pour joindre votre animateur en onde, faites le studio à commercial ckrl.qc.ca ou composez le 640 1586 640 1586. De retour donc pour la deuxième demi-heure de Web Musique. Vous êtes toujours avec Simon Roy. On n'a pas échangé les animateurs. Donc avant la pause, on entendait un artiste de la ville de Dresden en Allemagne. C'était Svan avec sa pièce If You Don't Know. C'est un remix de la pièce de GME, excusez-moi. Donc on va poursuivre l'émission avec deux pièces publiées sur l'étiquette, Dusted Wax Kingdom, une étiquette qui a beaucoup de temps d'antenne à Web Musique. Donc on va entendre deux artistes, un de l'Angleterre, le premier c'est Guillaume avec la pièce Guerrilla. Je vous fais entendre donc cette pièce qui est tirée de son album Tons of Sky. Ensuite de ça, de la ville de New York, c'est DJ Mantos avec la pièce de Frustrated Scientist. On écoute ces deux pièces-là tout de suite.

find myself thinking of myself as a frustrated scientist. I'm not really interested in music at all, nor am I interested in spiritualism. I'm merely interested in mathematics and technology, you know. I use music as a means for achieving certain sort of conceptual ideas that I'm attracted to. It's totally unfunctional music. It can't be used. So for the people who dig it, they have to dig it for what it is. De la ville de New York, c'était DJ Mantos avec sa pièce de Frustrated Scientist. Avant ça, de l'Angleterre, c'était Guillaume avec la pièce Guerrilla, tirée de son album Tons of Sky. Donc, deux artistes qui sont publiés sur l'excellente étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom. Allez visiter Dusted Wax Kingdom, plein de musique à peu près dans les cordes de ce que vous venez tout juste d'entendre. Toujours des albums d'une extrême qualité, toujours une excellente production à chaque fois. On va se diriger cette fois-ci du côté de l'Italie, un artiste publié sur l'étiquette Spectro Records, une étiquette que j'ai découvert aujourd'hui, que je vais approfondir, plein de matériel intéressant sur Spectro Records. On va entendre Mr. Dre avec la pièce Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Vous allez voir un peu de post-rock à web music. Ça nous vient donc de l'Italie. On écoute ça tout de suite. Thank you. de l'Italie, c'était Mr. Dre, donc une pièce avec pas mal toutes les influences possibles, un peu de post-rock, un peu de hip-hop, avec des saveurs électro, donc c'était sur l'étiquette italienne Spectro Records, c'était la pièce Philosophia Naturalis Principia Mathematica. On va se quitter sur une dernière pièce, donc avant ça, je vous invite à vous rendre au www.webmusique.ca pour télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Tout de suite après, c'est le mur du son avec le mystérieux band BASF qui vont être en prestation au Festival Off de Québec cet été, le 3 juillet. Donc, je vous invite à rester à l'écoute pour le mur du son. Le duo de mur du son vont passer la soirée, donc leur émission avec BASF, ça risque d'être assez intéressant comme émission. On va se quitter sur une dernière pièce. Le groupe s'appelle Sadness. Je vous fais entendre la pièce Loneliness. On se quitte là-dessus. Je vous donne un rendez-vous pas la semaine prochaine parce que je vais être absent. C'est la collecte de CKRL pour la Saint-Jean-Baptiste. On va ramasser les cochonneries des célébrations dans la Haute-Ville. Donc, je vais être de retour la semaine d'après pour une autre émission de Web Musique. D'ici là, ben passez du bon temps à l'antenne de CKRL.